Le lait de Lanval par Marie de France. Note. En ancien anglais, Lanfal. J'avais eu dessein d'expliquer les divers noms donnés aux personnages de lait, noms qui appartiennent incontestablement à notre Bretagne. Mon peu de connaissances dans la langue bretonne, les systèmes exagérés auxquels elle a donné lieu, l'abus qu'on en a fait, la crainte de tomber dans les mêmes erreurs, telles sont les causes qui m'ont fait supprimer cette partie de mon travail. Fin de note. Je veux vous apprendre les aventures d'un autre lait. Il fut composé au sujet d'un riche chevalier que les Bretons appellent Lanval. Le roi Arthur, toujours preux et courtois, était venu passer quelque temps à Carduel. Note. Voyez ci-dessus la note 4, page 36. Fin de note. Pour châtier les Irlandais. Note. Le texte porte les Escos, écossais, mais dans le Moyen-Âge, Hibernia et Scotia étaient synonymes et ne désignaient que l'Irlande. Voyez Letron, recherche sur Dicuil, pages 7 et 8. Quant aux Pih, ces derniers doivent être les Bretons d'Angleterre, sans doute une peuplade habitant les frontières du Glamorganshire en Galles, qui n'était pas encore soumise. Fin de note. Pour châtier les Irlandais et les Pictes qui ravageaient ses possessions et particulièrement la terre de l'Ogre. Au fête de la Pentecôte, Arthur tint une grande cour plénière. Il fit des présents magnifiques. Note. Ces présents consistaient en dignité, en terre, en chevaux, en armure, en habits. Voir État de la poésie française dans le XIIe et XIIIe siècle. Page 87. Fin de note. Et répandit ses bienfaits sur les comtes, les barons et les chevaliers de la table ronde. Note. Dans la version anglaise de Thomas Chester, on nomme parmi les chevaliers présents Perceval, le Gallois, le sage Gauvin, neveu du roi Arthur, Gaheris ou Guérèche, Agravin, l'orgueilleux, tous deux frères de Gauvin. Lancelot du Lac, fils de Ban de Benoît, roi dans la petite Bretagne. Messire Yvain, fils du roi Urien. Gal-O, roi d'Outre-les-Marches. Messire Queux, sénéchal d'Arthur, etc. Voyez Ritson, tome 1, page 171, tome 3, page 245 et 255. Fin de note. Enfin, il n'y en eut jamais une aussi belle, puisqu'il donna des terres et qu'il conféra des titres de noblesse. Un seul homme qui servait fidèlement le monarque fut oublié dans ses distributions. C'était le chevalier Lanval, qui, par sa valeur, sa générosité, par sa bonne mine et ses brillantes actions, était aimé de tous ses égaux, lesquels ne voyaient qu'avec chagrin tout ce qui pouvait lui arriver de désagréable. Lanval était fils d'un roi dont les états étaient fort éloignés. Attaché au service d'Arthur, il dépensa son avoir avec d'autant plus de facilité que, ne recevant rien et ne demandant rien, il se vit bientôt dénué de ressources. Le chevalier est fort triste de se voir dans une situation pareille. « Ne vous en étonnez pas, sire, il était étranger et personne ne venait à son secours. Après y avoir mûrement réfléchi, il prend la résolution de quitter la cour de son suzerain. » Lanval, qui avait si bien servi le roi, monte sur son destrier et sort de la ville, sans être suivi de personne. Il arrive dans une prairie arrosée par une rivière qu'il traverse. Voyant son cheval trembler de froid, il descendit, le désangla, puis le laissa paître à l'aventure. Ayant plié son manteau, le chevalier se coucha dessus et rêvait tristement à son malheur. En jetant les yeux du côté de la rivière, il aperçoit deux demoiselles d'une beauté ravissante, bien faite et vêtue très richement d'un bliot de pourpre grise. Note. Le bliot était un habillement de dessus, une sorte de robe qui enveloppait, ce que les dames pourraient appeler « redingote du matin ». Le mot « pourpre » ne signifiait pas toujours une couleur rouge et sanguine, mais il servait à désigner toutes les couleurs qui ont beaucoup d'éclat. Il en était de même chez les Grecs qui les nommaient. Et les Romains, cocum, isginum et purpureus. C'est ce qui sert à expliquer pourquoi nos anciens poètes ont toujours désigné la couleur de la pourpre. On en trouve de couleurs noires, blanches, grises, rousses, bises, vertes, sanguines, bleues, vermeilles, etc. Le Grand, Fabliau in octavo, tome 1, page 109, cite plusieurs autorités à cet égard. Au vers 565 de cette pièce, il est fait mention d'un manteau de pourpre grise, comme au vers 102, d'un manteau de pourpre alexandrine. C'était la plus belle et la plus estimée. On la tirait d'Alexandrie, où les Italiens, qui faisaient alors exclusivement le commerce de la Méditerranée, allaient la chercher. Ses mantiax fut, et ses bliots, d'une pourpre noire, estelée d'or, et netémie pelée. Roman de Perceval, feuillet 8, fin de note. La plus âgée portait un bassin d'or émaillé, d'un goût exquis, et la seconde tenait en ses mains une serviette. Elles viennent droit à lui, et Lanval, en homme bien élevé, se relève aussitôt à leur approche. Après l'avoir saluée, l'une d'elles lui dit « Seigneur Lanval, ma maîtresse, aussi belle que gracieuse, nous envoie pour vous prier de nous suivre, afin de vous conduire près d'elle. Regardez, sa tante est tout près d'ici. » Le chevalier s'empresse de suivre les deux jeunes personnes et ne songe plus à son cheval qui paissait dans la prairie. Il est amené au pavillon qui était fort beau et surtout très bien placé. La reine Sémiramis, au temps de sa grandeur, et l'empereur Octave n'auraient jamais eu une plus belle draperie que celle qui était placée à droite. Au-dessus de la tente était un aigle d'or, dont je ne pourrais estimer la valeur non plus que des cordages et des lances qui la soutenaient. Il n'est aucun roi sur la terre qui pût en avoir un semblable, quelle que fût la somme qu'il offrit. Dans le pavillon était la demoiselle qui, par sa beauté, surpassait la fleur de lys et la rose nouvelle, quand elles paraissent au temps d'été. Elle était couchée sur un lit magnifique, dont le plus beau château n'aurait pas seulement payé le prix des draperies. Sa robe, qui était serrée, laissait apercevoir l'élégance d'une taille faite autour. Un superbe manteau doublé d'hermine et teint en pourpre d'Alexandrie couvrait ses épaules. La chaleur l'avait forcé de l'écarter un peu, et à travers cette ouverture qui lui mettait le côté à découvert, l'œil apercevait une peau plus blanche que la fleur d'épine. Le chevalier arriva jusqu'à la demoiselle qui, l'appelant, le fit asseoir à ses côtés et lui parla en ces termes. « C'est pour vous, mon cher Lanval, que je suis sorti de ma terre de Lens. » Note. Je n'ai pu découvrir où était situé le pays ou la terre de Lens. Fin de note. Et que je suis venu en ces lieux. Je vous aime, et si vous êtes toujours preux et courtois, je veux qu'il n'y ait aucun prince de la terre qui soit aussi heureux que vous. Ce discours enflamme subitement le cœur du chevalier, qui répond aussitôt, « Aimable dame, si j'avais le bonheur de vous plaire et que vous voulussiez m'accorder votre amour, il n'est rien que vous ne m'ordonniez que ma valeur n'ose entreprendre. Je n'examinerai point les motifs de vos commandements. Pour vous, j'abandonne le pays qui m'a vu naître ainsi que mes sujets. Non, je ne veux jamais vous quitter. C'est la chose que je désire le plus au monde que de rester avec vous. » La demoiselle, ayant entendu le vœu que formait Lanval, lui accorde son cœur et son amour. Elle lui fait un don précieux dont nul autre ne pourra profiter. Il peut donner et dépenser beaucoup et se trouvera toujours fort riche. Que Lanval sera donc heureux, puisque plus il sera généreux et libéral, plus il aura de l'or et de l'argent. « Mon ami, dit la belle, je vous prie, vous enjoins, vous commande même, de ne jamais révéler notre liaison à qui que ce soit. Qu'il me suffise de vous dire que vous me perdriez pour toujours, et que vous ne me verriez plus si notre amour était découvert. » Lanval lui fait le serment de suivre entièrement ses ordres. Ils se couchèrent ensemble et restèrent au lit jusqu'à la fin du jour. Lanval, qui ne s'était jamais aussi bien trouvé, serait resté bien plus longtemps. Mais son amie l'invita à se lever, car elle ne voulait pas qu'il demeurât davantage. « Avant de nous quitter, je dois vous faire part d'une chose, lui dit-elle. Lorsque vous voudrez me parler et me voir, et j'ose espérer que ce ne sera que dans des lieux où votre amie pourra paraître sans rougir, vous n'aurez qu'à m'appeler, et sur le champ, je serai près de vous. Personne, à l'exception de mon amant, ne me verra, ni ne m'entendra parler. » Lanval, enchanté de ce qu'il apprend, pour exprimer sa reconnaissance, embrasse son ami et descend du lit. Les demoiselles qui l'avaient conduite au pavillon entrèrent en apportant des habits magnifiques, et dès qu'il en fut revêtu, il sembla mille fois plus beau. Après qu'on eût lavé, note, dans tous les repas, l'usage était, avant de se mettre à table, de commencer par se laver les mains. Cette cérémonie, chez les grands, s'annonçait au son du cor ce qu'on appelait « corner l'eau ». Et chez les moines, elle s'annonçait au son d'une cloche. Voyez deuxième édition de La vie privée des Français, tome 3, page 310. Glossaire de la langue romane, tome 1, page 301, et supplément au mot « cornet l'eau ». Fin de note. Le souper fut servi. Quoique le repas fût assaisonné d'appétit et de bonne chair, Lanval avait un mets à lui seul, qui lui plaisait beaucoup. C'était d'embrasser son amie et de la serrer dans ses bras. En sortant de table, on lui amène son cheval qui était tout apprêté, et après avoir fait ses adieux, il part pour retourner à la ville, mais tellement étonné de son aventure qu'il ne peut encore y croire, et qu'il regarde de temps en temps en arrière comme pour se convaincre qu'il n'a pas été abusé par une illusion flatteuse. Il rentre à son hôtel et trouve tous ses gens parfaitement bien vêtus. Il fait grande dépense sans savoir d'où l'argent lui vient. Tout chevalier qui avait besoin de séjourner à Carduel pouvait venir s'établir chez Lanval, qui se faisait un devoir de le traiter parfaitement. Outre les riches présents qu'il faisait, Lanval rachetait les prisonniers, vêtissait les ménétriers, note sous ce nom étaient compris les jongleurs, les conteurs et les trouvères, troupes extrêmement faméliques. C'était faire le plus grand éloge d'un chevalier que de dire de lui qu'il était large ou libéral envers les ménestriers et les pauvres chevaliers. Fin de note. Il n'eut pas un seul habitant de la ville, un étranger même, qui n'eut part à ses libéralités. Aussi était-il le plus heureux des hommes, puisqu'il avait de la fortune, qu'il était considéré et qu'il pouvait voir son ami à tous les instants du jour et de la nuit. Dans la même année, vers la fête de la Saint-Jean, plusieurs chevaliers allèrent se récréer dans le verger, au-dessous de la tour habitée par la reine. Note. C'est la reine Genièvre, ou Genièvre, fille de Léodogogan, roi de Tamlide, femme du roi Arthur, si connue par ses amours avec le beau Lancelot du Lac, fils du roi Ban de Benoît. Voir Ritson, tome 3, pages 235 et 246. Ce nom de Genièvre, ou Genièvre, paraissent être formés du breton Gwen, blanc, et Eur, femme, c'est-à-dire la blanche femme. Fin de note. Avec eux était le brave Gauvin, note, Gauvin, fils de Lot, roi d'Orcanie et d'une fille d'Iguerne, mère d'Arthur. Il était le conseiller de ce prince et fut l'un des plus vaillants chevaliers de la Table Ronde. Nos anciens romanciers ne le désignent que sous le nom du sage Gauvin. Voir Ritson, tome 3, page 228, fin de note. Qui se faisait aimer de tous, et de son cousin, le bel Yvain, note, Messire Yvain, fils du roi Urien, l'un des rois vassaux d'Arthur. Voir Ritson, tome 3, page 225, fin de note. Seigneur, dit-il, ce serait mal faire que de nous divertir sans notre ami Lanval, homme aussi brave que généreux, et fils d'un riche roi. Il faut l'aller chercher et l'amener ici. Aussitôt ils partent, se rendent à l'hôtel de Lanval qu'ils trouvent, et à force de prières, ils parviennent à l'emmener avec eux. À leur retour, la reine s'était appuyée sur l'une de ses croisées. Derrière elle se tenaient les dames de sa suite. Ayant aperçu Lanval qu'elle aimait depuis longtemps, Genièvre appelle ses suivantes, choisit les plus jolies et les plus aimables, il y en avait au moins 30, et descend au verger pour partager les jeux des chevaliers. Dès qu'il voit venir les dames, il s'empresse d'aller à leur rencontre jusqu'au perron pour leur offrir la main. Pour être seul, Lanval s'éloigne de ses compagnons. Il lui tarde beaucoup de rejoindre son amie, de la voir, de lui parler, de la presser entre ses bras. Il ne peut trouver de plaisir là où n'est pas l'objet de son amour. Genièvre, qui cherchait l'occasion de le trouver seul, suit ses pas, l'appelle, s'assied auprès de lui et lui parle en ces termes. « Lanval, depuis longtemps je vous estime, je vous aime tendrement, il ne tient qu'à vous d'avoir mon cœur. Répondez-moi, car sans doute vous devez vous estimer heureux puisque je vous offre de devenir mon ami. Madame, daignez me permettre de ne pas vous écouter. Je n'ai nul besoin de votre amour. J'ai longtemps servi le roi avec fidélité et je ne veux pas manquer à l'honneur et à la foi que je lui ai promise. Jamais par vous ou par l'amour de toute autre femme je ne trahirai mon seigneur suzerain. » La reine, courroucée de cette réponse, se répandit en invectives. Il paraît, Lanval, et j'en suis persuadé, que vous n'aimez guère les plaisirs de l'amour. Aussi m'a-t-on souvent dit qu'à des femmes aimables, dont au surplus vous savez vous passer, vous préfériez des jeunes gens, bien mis, avec lesquels vous vous amusiez. Allez, misérable, allez, le roi a fait une bien grande sottise lorsqu'il vous retint à son service. Piqué des reproches de Genièvre, Lanval lui fit, dans la colère, une confidence dont il eut bien à se repentir. « Madame, lui dit-il, je n'ai jamais commis le crime dont vous m'accusez, mais j'aime et je suis aimé de la plus belle femme qu'il y ait au monde. Je vous avouerai même, madame, et soyez-en persuadée, que la dernière de ces suivantes est supérieure à vous par la beauté, l'esprit, les grâces et le caractère. » Genèvre, en fureur de cette réponse humiliante, se retire dans sa chambre pour pleurer. Elle se dit malade, se met au lit, d'où elle ne sortira, dit-elle, que lorsque le roi, son époux, aura promis de la venger. Arthur avait passé la journée à la chasse, et à son retour, encore joyeux des plaisirs qu'il avait goûtés, il se rendit à l'appartement des dames. Sitôt que Genèvre l'aperçoit, elle vient se jeter aux pieds de son époux, lui demande vengeance de l'outrage qu'elle dit avoir reçu de Lanval. « Il a osé me requérir d'amour, et d'après mon refus, il m'a injurié et avili. Il a osé se vanter d'avoir une amie d'une beauté incomparable, dont la dernière des suivantes valait mieux que moi. » Le roi, enflammé de colère, fit serment que si le coupable ne se justifiait pas à l'assemblée des barons, il le ferait pendre ou brûler. En sortant de chez la reine, Arthur ordonna à 3 barons de se rendre chez Lanval, qui était bien triste et bien chagrin. En rentrant chez lui, il s'était aperçu qu'il avait perdu son ami pour avoir découvert son amour. Seul et renfermé dans son appartement, il songeait à son malheur. Un moment, il appelait son ami qui ne venait point, puis il se mettait à soupirer et à pleurer. Souvent même, il perdit l'usage de ses sens. C'est en vain qu'il demandait pardon et criait merci. Sa belle refusa toujours de se montrer. Il maudissait sa tête et sa bouche. Son chagrin était si violent qu'on doit regarder comme une merveille de ce qu'il ne sauta pas à la vie. Il ne fait que gémir, pleurer, se tordre les mains et donner les marques du plus grand désespoir. Hélas, que va devenir ce chevalier loyal que le roi veut perdre ? Les barons viennent lui intimer l'ordre de se rendre sur le champ à la cour, où le roi le mandait pour répondre à l'accusation faite par la reine. Lanval les suit, le désespoir dans le cœur et ne désirant que la mort. Il arrive en cet état devant le monarque. Dès qu'il parut, Arthur lui dit, avec emportement, « Vassal !» Note, voir la note 1 sur le lait de Gugemer, page 57. Fin de note. « Vous êtes bien coupable à mon égard, et votre conduite est répréhensible. Quel était votre dessein en insultant la reine et en lui tenant des discours déplacés ? Vous n'aviez sans doute pas la raison bien saine lorsque, pour vanter les charmes de votre maîtresse, vous avez avancé que la dernière de ses suivantes était plus belle et plus aimable que la reine. » Lanval se défendit sur la première accusation d'attenter à l'honneur de son prince. Il raconta, mot à mot, la conversation qu'il avait eue avec la reine et la proposition qu'elle lui avait faite. Mais il reconnut la vérité de ce qu'il avait dit à l'égard de sa dame, dont il avait perdu les bonnes grâces. Au surplus, il s'en rapportera entièrement au jugement de la cour. Le roi, toujours en colère, rassemble ses barons pour nommer des juges choisis parmi les pairs de Lanval. Les barons obéissent, fixent le jour du jugement. Ensuite, ils exigent qu'en attendant le jour indiqué, Lanval se constitue prisonnier, ou bien qu'ils donnent un répondant. Note. Les plèges étaient des seigneurs qui se rendaient caution d'un accusé dont ils répondaient. Celui-ci conservait sa liberté et par conséquent avait toute la facilité de prouver son innocence. Voir le grand Dossi, Fabliau, in octavo, tome 1, page 14. Fin de note. Lanval, étranger, n'avait point de parents en Angleterre. Étant dans le malheur, il n'osait compter sur des amis. Il ne savait qui nommer pour répondant, lorsque le roi lui eut annoncé qu'il en avait le droit. Mais Gauvin alla, sur le champ, s'inscrire avec plusieurs autres chevaliers. « Sire, dit-il, nous répondons de Lanval, et nous offrons pour cautionnement nos terres et nos fiefs. » La garantie ayant été acceptée, Lanval revint à son hôtel, suivi de ses amis qui le blâmaient et le reprenaient sur sa douleur extrême. Chaque jour, il venait le visiter pour s'informer s'il prenait des aliments, et bien loin de lui faire des reproches, il l'engageait à prendre quelque nourriture, car il craignait qu'il ne perdît entièrement la raison. Les barons se rassemblèrent au jour désigné. La séance était présidée par le roi, qui avait son épouse à ses côtés. Les plèges vinrent remettre l'accusé entre les mains de ses juges. Tous étaient peinés de le voir en cet état et faisaient des vœux pour qu'il fût acquitté. Le roi expose les motifs de l'accusation et procède à l'interrogatoire de l'accusé. On fait ensuite sortir les barons pour aller aux opinions. ils sont généralement peinés de la malheureuse position d'un gentilhomme étranger qui avait une affaire aussi désagréable. D'autres, au contraire, pour faire leur cour au monarque, désirent le voir puni. Le duc de Cornouailles prit sa défense. « Seigneur, dit-il, le roi accuse un de ses vassaux de félonie, et parce qu'il s'est vanté de la possession d'une maîtresse charmante, la reine s'est courroucée. Veuillez bien observer que nul ici, à l'exception du roi, n'accuse Lanval. Mais, pour bien connaître la vérité, pour juger avec connaissance de cause, en conservant tout le respect dû au souverain, et le roi même l'accordera, je propose que Lanval s'oblige, par serment, à faire venir ici sa maîtresse, pour juger si la comparaison dont la reine est si fort offensée est conforme à son dire. Il est vraisemblable que Lanval n'a pas avancé pareille chose sans être persuadé de la vérité. Dans le cas où il ne pourrait pas montrer sa dame, je pense que le roi doit le renvoyer de son service et le congédier. » L'assemblée approuva la proposition et les plèges se rendirent près de Lanval pour lui faire part de la délibération qui venait d'être prise. Et l'engagèrent à inviter sa maîtresse à se rendre à la cour, afin de le justifier et de le faire absoudre. Il leur répondit que la chose demandée n'était pas en son pouvoir. Les plèges s'en retournent porter la réponse de Lanval, et le roi, animé par son épouse, pressait les juges de prononcer. Les barons allaient aller aux voix lorsqu'ils virent arriver deux jeunes demoiselles montées sur des chevaux blancs. Note. Le cheval blanc était réservé aux souverains dans les marches solennelles ou lorsqu'ils entraient dans quelques-unes de leurs villes. Fin de note. Et, vêtus de robes en soie de couleur vermeille, leur présence fixe les regards de l'assemblée. Aussi Gauvin, suivi de trois chevaliers, s'en va tout joyeux trouver Lanval. Il lui montre les deux jeunes personnes et le prie de lui indiquer laquelle est sa maîtresse. « Ni l'une ni l'autre, » répond-il. Elles descendent au bas du trône et l'une s'exprime en ces termes. « Sire, faites préparer et orner une chambre où madame puisse descendre, car elle désire loger dans votre palais. » Arthur accueille leur demande et charge deux chevaliers de conduire les jeunes personnes à l'appartement qu'elles devaient occuper. Sitôt qu'elles eurent quitté l'assemblée, le roi ordonne qu'on reprenne sur le champ le jugement et blâme les barons du retard qu'ils apportent. « Sire, nous avons interrompu la séance à cause de l'arrivée de ces deux dames. Nous allons la reprendre et nous hâter. Déjà, et c'est avec regret, on recueillait les avis qui étaient fort partagés, lorsque deux autres jeunes personnes, encore plus belles que les premières, paraissent. Elles étaient vêtues de robes brodées en or et montaient des mules espagnoles. Les amis de Lanval pensent en les voyant que le bon chevalier sera sauvé et se réjouissent. Gauvin, suivi de ses compagnons, vient à Lanval et lui dit « Sire, reprenez courage, et pour l'amour de Dieu, daignez nous écouter. Il arrive en ce moment deux demoiselles, supérieurement vêtues et d'une beauté rare. L'une d'elles doit être votre amie. » Lanval lui répond simplement « Je ne les ai jamais vues, ni connues, ni aimées. » À peine étaient-elles arrivées que les deux demoiselles se hâtent de descendre et de venir devant le roi. Tous les barons s'empressent de louer leurs attraits, la fraîcheur de leur teint. Ceux qui étaient du parti de la reine craignaient pour la comparaison. L'aînée des deux jeunes personnes, qui était aussi aimable que belle, pria le roi de vouloir bien leur faire préparer un appartement pour elle et pour leur dame, qui désirait lui parler. Le monarque les fit conduire vers leur compagne, et comme s'il eût craint que Lanval n'échappât à sa vengeance, il presse le jugement et ordonne qu'il soit rendu sur le champ. La reine se courrouçait de ce qu'il ne le fut point encore. On allait donc prononcer, lorsque de bruyantes acclamations indiquent l'arrivée de la dame qui venait d'être annoncée. Elle était d'une beauté surnaturelle et presque divine. Elle montait un cheval blanc si admirable, si bien fait, si bien dressé, que sous les cieux on ne vit jamais un si bel animal. L'équipage et les harnois étaient si richement ornés qu'aucun souverain de la terre ne pouvait s'en procurer un pareil, sans engager sa terre et même la vendre. Un vêtement superbe laissait apercevoir l'élégance de sa taille, qui était élevée et noble. Qui pourrait décrire la beauté de sa peau, la blancheur de son teint, qui surpassait celle de la neige sur les arbres, ses yeux bleus, ses lèvres vermeilles, ses sourcils bruns et sa chevelure blonde et crêpée. Revêtue d'un manteau de pourpre grise qui flottait derrière ses épaules, elle tenait un épervier sur le poing et était suivie d'un lévrier. Note. Cet oiseau et ce chien, signe de noblesse, annonçait l'illustre origine de la maîtresse de Lanval. Fin de note. Il n'y avait dans la ville ni petit, ni grand, ni jeune, ni vieux, qui ne fût accouru pour la voir passer. Et tous ceux qui la regardaient étaient embrasés d'amour. Les amis de Lanval viennent sur le champ le prévenir de l'arrivée de la dame. « Pour le coup, c'est elle, c'est votre maîtresse, vous serez délivrée enfin, car celle-ci est la plus belle femme qui soit au monde. » En écoutant ce discours, Lanval soupira, il lève la tête et reconnaît l'objet dont son cœur était pris. Le rouge lui monte à la figure. « Oui, c'est elle, » s'écria-t-il en la voyant. « J'oublie tous mes maux, mais si elle n'a pas pitié de moi, peu m'importe de la vie qu'elle vient cependant de me rendre. » La belle dame entre au palais et vint descendre devant le roi. Elle laisse tomber son manteau pour mieux laisser admirer la beauté de sa taille. Le roi, qui connaissait les lois de la galanterie, se leva à l'arrivée de la dame. Toute l'assemblée en fit autant, et chacun s'empresse de lui offrir ses services. Quand les barons l'eurent assez examinée et détaillé toutes ses perfections, elle s'avança et parla en ces termes. « Roi, j'ai aimé un de tes vassaux. C'est Lanval que vous voyez là-bas. Il fut malheureux à ta cour, tu ne l'as point récompensé, et aujourd'hui il est injustement accusé. Je ne veux pas qu'il lui arrive le moindre mal. La reine a eu tort, jamais Lanval n'a commis le crime dont il est accusé. Quant à l'éloge qu'il a fait de ma beauté, on a exigé ma présence. Me voici. J'espère que tes barons vont l'absoudre. » Arthur s'empressa de se conformer aux volontés de la dame, et les barons jugèrent d'un commun accord que Lanval avait entièrement prouvé son droit. Sitôt qu'il fut acquitté, la dame fait ses adieux et se dispose à partir malgré les pressantes sollicitations du monarque et de sa cour qui voulaient la retenir. Dehors, la salle était un grand perron de marbre gris. Il servait pour monter à cheval ou pour en descendre au seigneur qui se rendait à la cour. Lanval monta dessus, et lorsque la dame sortit du palais, il sauta sur son cheval et sortit avec elle. Les Bretons rapportent que la fée emmena son amant dans l'île d'Avalon. Note. Voyez notice sur les laits. Page 37, note 1. Fin de note. Où ils vécurent longtemps fort heureux. On n'en a point entendu parler depuis. Et quant à moi, je n'en ai pas appris davantage.